Bonsoir à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isangani. Le bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les titres. Le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, recommande la tenue des États généraux de l'éducation pour se pencher à la qualité de l'éducation. Vous l'entendrez dans ce journal. Et le manque de moyens suffisants est l'un des défis du secteur de la justice. Le président du barreau de Bujumbura appelle ceux qui travaillent dans ce secteur au strict respect de la loi. Et les conflits de leadership au sein des églises et confessions religieuses perturbent la paix des fidèles et dans la communauté. Voilà pour les titres et bienvenue pour les détails. Vous n'avez pas Isangani, vous ratez l'essentiel. Je vous le disais tantôt, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, recommande les états généraux de l'éducation au Burundi pour raviver la qualité de l'éducation. Le président Ndayishimiye trouve que l'enseignant devrait regretter lui aussi l'échec de l'apprenant, car, dit-il, c'est lui qui l'a préparé. Il l'a déclaré ce jeudi à Gitega lors de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse qui est célébrée chaque année le 12 août. Suivez plutôt le président Evariste Ndayishimiye, traduit en français par Fidé d'Antoine Nsabimana. Nous devons retrouver la saveur de l'éducation dans les écoles. C'est pourquoi nous interpellons ceux qui œuvrent dans ce secteur de l'éducation. Heureusement, le ministre est ici. Je suis passé quelque part ces derniers jours et déjà se lamentait que les élèves échouent beaucoup. Je leur ai dit que les élèves sont comme des semences et le cultivateur, c'est l'enseignant. Si l'on sème et que ça ne pousse pas, c'est les semences qui sont mauvaises ou c'est le cultivateur. Et il faut revoir cela et ne pas se jeter le tort les uns les autres. Les enseignants doivent se réunir et échanger sur les causes de l'échec scolaire. Ce ne sont pas les élèves qui échouent, c'est par contre les enseignants. Vous pensez que les enseignants actuels regrettent l'échec de l'apprenant? Je n'ai jamais entendu un directeur de l'enseignement communal convoquer des états généraux sur les causes de l'échec. Je n'ai jamais entendu un directeur d'établissement qui se cote mauvais suite à l'échec scolaire. Par contre, un enseignant qui a 1% de réussite dans sa classe est coté très bon. Est-ce qu'il va regretter de cet échec? Si nous voulons redonner la saveur à la qualité de l'enseignement, l'enseignant doit s'introspecter. J'interpelle le ministre de l'Éducation d'organiser soit les états généraux, soit des réunions pour convaincre les enseignants que c'est leur échec au lieu d'être l'échec de l'apprenant. Une fois les enseignants sont convaincus que c'est leur échec, ils vont se poser la question de pourquoi cet échec. Et je suis convaincu qu'ils vont trouver une solution. C'était le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye. Les élèves batois du site de Nyarumanga, en zone Ebouteré, la mairie de Bujumbura, exercent différents travaux manuels dans cette période des grandes vacances dans le but d'appuyer leurs parents dans l'achat du matériel scolaire. Au moment où les garçons fabriquent des briques, les filles transportent ces dernières vers le four à briques et les parents disent sensibiliser leurs enfants à travailler sans mettre de côté l'école. Ces élèves disent être prêts pour la rentrée scolaire prochaine. Omer Ndouaï. Certains des élèves batois rencontrés dans ce site indiquent que les travaux qu'ils mènent pour appuyer leurs parents dans l'achat des kits scolaires sont entre autres la fabrication des briques pour les garçons, alors que les filles les transportent sur la tête et les acheminent au four. Nous les garçons, nous fabriquons des briques sèches. Les filles les transportent sur la tête au four. Nous recevons 300 francs sur 100 briques fabriquées. Je gagne 6000 francs par jour. Je consomme 1000 francs pour encaisser 5000. Mes parents m'ont déjà acheté des cahiers, des stylos, l'uniforme aussi j'en ai. J'attends la rentrée scolaire pour continuer mes études. Je ramasse du charbon dans le dépotoir pour enfin aller les vendre. Et je gagne 3000 francs burundais que je remets à mon parent pour épargner. épargnés. Une fois totalisé 20 000 francs burundais, je lui demande d'aller m'acheter du matériel scolaire. Certains des parents de ces élèves disent connaître la crucialité de l'apprentissage des travaux manuels à leurs enfants et saluent toutefois l'obéissance que manifestent ces derniers. Nous les sensibilisons d'aimer l'école car les ramassages de charbon dans le dépotoir ne les favorisent pas. Nous sommes conscientes des vies difficiles que nous menons et nous les interpellons de suivre leurs études afin de bénéficier d'une meilleure vie dans le futur. Ils déplorent cependant l'insuffisance des moyens pour se procurer tous les matériels scolaires nécessaires et demandent par conséquent à tout homme charitable de leur venir en aide. Isanganiro. Justice à présent, le manque de moyens et l'ignorance sont certains des défis qui hantent le secteur de la justice au Burundi. Dans un atelier de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale ce vendredi, Maître Jean de Diem Houdzeng, qui a fait un exposé sur le respect des procédures d'arrestation, demande à tout le personnel judiciaire de veiller au strict respect de la loi. Yvette Nijimbere. Les personnes compétentes pour une arrestation doivent respecter les droits des personnes arrêtées. L'officier de police et judiciaire doit en outre s'identifier auprès de la victime. Maître Jean-Dodiem Houdengue indique que la présomption d'innocence pour toute personne arrêtée doit être de rigueur. Les personnes qui ont la compétence de procéder aux arrestations doivent respecter certaines procédures, notamment les délais, notamment les maisons de garde à vue, ainsi que d'autres règles de procédure en matière d'arrestation. Personne ne peut se cacher derrière son autorité, supérieure soit soit-elle, pour arrêter quelqu'un sans en posséder la capacité lui reconnue par la loi. Certains des participants ont soulevé leurs inquiétudes quant aux arrestations faites par les jeunes du parti au pouvoir. Au pépin 1, Mazur Dismas estime que toute personne animée de bonne foi a le droit d'arrêter un malfaiteur. Maître Mouhoudengue répond à cette question en indiquant que cela est fait en cas d'infraction. Les participants à cet atelier ont aussi soulevé des inquiétudes en rapport des moyens financiers qui handicapent leur travail. À cette question, Maître Jean-Dodier Mouhoudengue répond que cela ne peut pas limiter leur travail, car il y a toujours des actions qui peuvent être menées. Ces intervenants ne reçoivent pas pour autant des excuses, parce que si vous avez eu l'honneur d'être nommé au PJ, d'être désigné magistrat, vous avez le devoir, et c'est un préalable, de connaître la loi pour éviter que vous ne constituiez pas un obstacle au bon fonctionnement de la justice. En cas de violation des règles de procédure par les intervenants en matière pénale, il y a toujours des procédures disciplinaires qui peuvent être enclenchées par les autorités hiérarchiquement supérieures. Cela n'empêche même à la personne victime des procédures illégales d'intenter une action civile en réclamation de dommages et intérêts pour avoir été arrêté ou détenu illégalement. Merci Yvette Nijimbere. Les habitants du quartier Mutakura, 11e avenue de la zone Chibitoke à Mairie de Bujumbura, vivent dans la panique due à un caniveau qui se dégrade du jour au jour. Ce ravin qui est devenu un ravin qui menace leur maison, pouvant causer des accidents aux enfants. Ornella Mucho. Ce caniveau qui est devenu peu après un ravin s'agrandit du jour au jour. Les habitants de cette localité indiquent que lorsqu'il pleut, la situation s'aggrave. Les eaux débordent et détruisent leurs maisons. Ils craignent également la sécurité de leurs enfants qui peuvent y perdre la vie. Ce caniveau se dégrade du jour au jour. Quand il pleut, ce caniveau s'agrandit. Cela depuis plus de 10 ans. Nous avons des enfants. Si une personne adulte tombe dans ce caniveau, il ne peut pas y sortir. Regardez ces déchets par exemple. Ce monsieur qui a sa maison ici, ces déchets ne s'entassaient pas ici. Sa maison serait détruite. Là-bas, le propriétaire de cette maison a essayé de la protéger, mais ça n'a rien donné car ce caniveau a tout emporté après les constructions. Des habitants de cette localité demandent à ceux qui le peuvent d'aider pour la réhabilitation de ce ravin. Nous demandons à l'État de nous aider en faisant les travaux de réhabilitation de ce caniveau pour la protection de nos enfants. Nous avons crié plusieurs fois pour qu'il y ait la réhabilitation de ce caniveau, mais rien n'a été fait. Depuis l'année passée, ils nous ont promis la réhabilitation, mais les travaux n'ont pas encore démarré. Le chef du quartier Mutakura dit que ce ravin sème la panique aux habitants de cette avenue et demande réhabilitation à cet endroit. Le ravin cause des problèmes car la pluie tombe, des personnes sont emportées. Tu vois même que des habitations proches sont détruites. Donc, ça cause problème. Nous avons approché nos supérieurs, ils sont au courant et il y a déjà qui sont venus faire des études. Je pense qu'il y a un groupe qui va commencer la réhabilitation parce qu'ils sont venus nous consulter. Ces habitants soulignent également que cela s'observe il y a plus de 5 ans et ils signalent qu'ils ont déjà soumis la question aux autorités habilitées, mais que jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Et les conflits de leadership et les richesses entre les responsables des églises et confessions religieuses perturbent la paix entre les fidèles et même dans la communauté. À l'origine de ces dissensions, le non-respect des lois, d'après Maître Emmanuel Nzobonima, conférencier lors d'un atelier d'éducation à la paix tenu en Ngozi à l'endroit des leaders religieux. Ce juriste conseille à ces derniers le respect des lois régissant les associations sans but lucratif en vue de la consolidation de la paix dans les organisations. Apollinaire Muzagar. Comme l'a indiqué Maître Emmanuel Nzobonima dans son exposé, certaines églises connaissent ces jours-ci des dissensions conduisant à la naissance des ailes angoses, à l'origine selon lui, des tentatives d'accaparation des richesses et du pouvoir par les responsables de ces églises et confessions religieuses, ce qui déstabilise leurs fidèles et perturbe par conséquent la paix entre et même jusqu'à domicile dans la communauté, situation qu'il déplore car, d'après ce juriste, les responsables de ces églises ont un grand rôle à jouer dans la consolidation de la paix. Il les appelle à faire passer à travers leurs enseignements des messages de paix et pour y parvenir, Maître Emmanuel Nzobonima parle uniquement du respect de la loi régissant les associations sans but lucratif, affirmant que l'inobservation de ces dernières est la seule source de ces querelles. Il salue tout de même le bon climat qui règne entre les églises dans cette province où aucune tension entre elles n'a jamais été signalée selon en vue de la pérennisation de la paix dans cette province. Des ateliers sur l'éducation à la paix organisés par l'Université de Ngozi et le Rotary Club sont en cours. 140 leaders religieux, chefs du secteur de l'éducation et des chefs de colline ont été formés. L'abbé Apollinaire Mangaimbaga et Arnaud Mfura, respectivement recteurs de l'université et représentants du Rotary Ngozi, demandent aux bénéficiaires de cette formation de la relayer à ceux qu'ils représentent et promettent de leur côté tout appui pour y parvenir. Des certificats ont été décernés à ces leaders après ces formations. Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Et les syndicats membres de la Confédération Concessionna demandent au gouvernement d'organiser une rencontre avec les syndicats pour résoudre définitivement la question sur la politique salariale. Emmanuel Machandar, vice-président de cette confédération, demande quelles des valeurs convenues soient appliquées. Suivez-le. En divisant la somme des points, des primes et indemnités par la somme de tous les points d'emploi, on obtient la valeur 28. Or, si on prend comme illustration l'emploi type enseignant du secondaire, on obtient avec cette valeur 28 la part indiciaire plus la part emploi, c'est-à-dire que la valeur actuelle de l'indice est de 154, on aura 154,1 fois 355 plus les points emploi pour l'enseignant du secondaire, c'est 6975 fois 28. Le salaire reviendrait à 250 005 francs comme salaire théorique, alors qu'il est actuellement de 349 210, soit une perte de 99 205 francs. Cela montre que la recommandation du Conseil des ministres d'utiliser la valeur 28 risque de créer des soulèvements des fonctionnaires. Pour éviter que le salaire ne soit revu à la baisse et pour corriger définitivement ces disparités telles que convenues dans l'accord du 10 avril 2015, le comité technique mixte, c'est-à-dire gouvernement syndicat, a proposé le scénario ayant la valeur 45. Ainsi, le même emploi d'enseignant du secondaire serait rémunéré à 368 580 flambeaux. À notre grande surprise, le Conseil des ministres a pris la valeur 28 comme la valeur du point d'indice, alors que ce dernier aujourd'hui est de 154.1. De plus, la valeur de 45 n'est pas une exigence des syndicats, mais plutôt un consensus de tous les membres du comité technique mixte en vue de corriger définitivement les disparités constatées. Et pour boucler cette édition, les communes de la mairie de Bujumbura ne sont pas encore décentralisées, comme il est le cas pour des communes des provinces de l'intérieur du pays. Des lacunes se présentent encore dans la mise en application de cette politique à mairie de Bujumbura. Le secrétaire permanent au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, Martin Ineretsekilodi, estime que ces lacunes seront résolues dans les jours à venir. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que s'achève cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi avec attention. Merci Albert Ndouayo pour la mise en onde. Quant à moi, je vous retrouve à 22h pour la dernière édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.